Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. C'était un personnage mystérieux et même un peu bizarre, à tel point que certains ont cru voir en lui, sans doute à tort, le modèle du savant fou de Stanley Kubrick dans le film « Docteur Folamour ». Il naît jusqu'à sa mort en 2003 pour intriguer. On l'a retrouvé mort au pied de l'immeuble du Watergate où il résidait. Cet homme seul, sans famille connue, s'est-il jeté dans le vide ou bien l'a-t-on poussé ? Et d'aucuns de remarquer que le docteur Weiss, qui avait été autrefois un conseiller influent du président Reagan, avait néanmoins récemment pris position contre la guerre que George Bush Jr. s'apprêtait à lancer en Irak, en usant d'arguments mensongers sur les fameuses armes de destruction massive qu'aurait possédé Saddam Hussein. Gus Weiss n'était pourtant pas une colombe, mais un authentique faucon. Au temps de la guerre froide, le camp soviétique n'a jamais connu d'adversaire plus opiniâtre et plus ingénieux. Un homme qui lui a infligé des dommages considérables. Nous allons voir ça dans un instant avec M. X. Un mot auparavant, si le Dr Weiss est devenu cet ennemi implacable de l'URSS, il le doit au succès de l'une des plus importantes affaires d'espionnage du siècle dernier, une affaire qui est à mettre au compte des policiers français du contre-espionnage, le mythique dossier Farewell. Pas besoin de balai pour prendre le râne, pas de balai, vous mettez des dés, donc je vais l'entraîner, très loin. C'est pas la première fois que je me bagarre avec un râne, non. Pas besoin d'aide, gardez donc, il n'y a pas d'autre moyen d'avoir le râle. On dira qu'il rouge dans mes provisions, mais je vous le dis, non, il n'y a pas d'autre moyen. Ça y est, non, il n'y a pas d'autre moyen d'avoir le râle. On dira qu'on rentre partout, tout comme un fou, tout comme un fou. Non, il n'y a pas d'autre moyen, mais je vous le dis, pas tenimment. M'avez l'air de ne pas y croire beaucoup, vous n'en faites pas. Je voudrais vous montrer qu'il n'y a pas de baratin, parce que je vous ai dit tout à l'heure, t'as de malin. Tiens, dira, il n'y a pas longtemps, tu faisais des bons. Tu ferais mieux d'abandonner, dis mon bonhomme, car moi je te vois par là-bas, t'es pas malin. Défie-toi là-bas, défie-toi là dans ton trou. Si tu veux, dis mon rat, t'as oublié de le ramener. Oui, dis donc, t'as beau t'en aller là, t'es perdu, mon rat. Dis-le, dis-le, il est parti là-bas. Dis-le, dis-le, il est parti là-bas. Sur toi là. Dis-le, dis-le, il est parti là-bas. Dis-le, dis-le, il est parti là-bas. Sur toi là. Regarde là-bas, il y a le matou qui t'attend. Farewell, vous vous souvenez, bien sûr. C'était le nom de code de Vladimir Vetrov, un colonel du KGB. Qui a été retourné par les agents de la DST et qui a livré à l'Ouest une masse impressionnante de documents. Une moisson qui a permis aux services de renseignement de réaliser que les Soviétiques avaient entrepris un pillage systématique des secrets industriels et technologiques des plus grandes firmes occidentales. Oui, afin de faire des économies en recherche et développement. Et à un moment où peu à peu l'URSS perdait pied dans la rivalité qui l'opposait au camp de l'Ouest. Farewell a donc joué un rôle considérable. Et sans exagérer, On peut dire que l'action de cette taupe du KGB, contrôlée par les Français, a été l'un des facteurs qui a conduit l'URSS à sa perte. Mais ça, je vais y revenir. Auparavant, je dois souligner un autre enseignement de l'affaire Farwell. En analysant les documents qu'il a fait passer à l'Ouest, les agents des services de renseignement ont aussi lu en creux le véritable état de la recherche soviétique. Oui, oui. C'est-à-dire en relevant les domaines où la science soviétique était en retard. Parfaitement. Si la recherche de Moscou avait besoin de dérober tel ou tel secret technologique, c'est qu'elle n'était pas au niveau dans ces secteurs. Et c'était essentiel de le découvrir. Hein. Naturellement. Enfin, et c'est l'autre conséquence de l'affaire Farwell, en réalisant que l'URSS était devenu un colosse au pied d'argile, les Américains ont décidé qu'il fallait mettre tout en œuvre pour accentuer ce mouvement et contribuer à affaiblir encore un peu plus l'Empire du Mal, pour reprendre l'expression de Reagan. Ouais, jusqu'à la chute finale. En effet. Et malgré les efforts d'un Gorbatchev qui a tenté en vain de réformer le système et de mettre fin aux archaïsmes de son pays. Alors, je vous l'ai promis, je vais revenir sur tous ces points. Et je dirais tout ce que je sais à propos de l'étrange Dr Weiss, qui s'est servi très intelligemment des révélations de Farwell. Mais d'abord, un rappel de l'affaire elle-même. Vladimir Vetrov, lorsqu'il était en résidence à Paris sous une couverture de représentant commercial de la délégation soviétique, a été repéré par la DST. Je crois même pouvoir affirmer qu'il a été attiré dans un piège. Oui, je me souviens, un accident de voiture truqué, hein, c'est ça? C'est ça, oui, et il était ivre. Et ça aurait pu lui coûter cher. Une de ses relations, cadre chez Thomson, CSF et collaborateur occasionnel de nos services, était alors venue à son secours et avait tout arrangé. Donc cet officier du KGB avait échappé à toute remontrance de ses supérieurs. Et à la DST, on comptait bien qu'un jour, Vetrov se souviendrait de ce coup de main. Mais Vetrov n'a pas été recruté à cette occasion? Non. Au fond, c'était une sorte d'investissement. Et de retour à Moscou, lorsque Vladimir Vetrov a décidé de trahir son pays, il s'est débrouillé pour prendre contact avec un autre cadre de Thomson qui faisait de fréquents voyages en URSS. Ouais, comme par hasard. Alors même, si nous en avons parlé il y a bien longtemps, pourquoi ce colonel du KGB va-t-il trahir? Il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est certain, Vetrov faisait partie des très nombreux déçus du socialisme à la soviétique. Ouais, il était bien placé pour en voir toutes les tares. Hein. Bien entendu. Ensuite, il estimait qu'au sein du KGB, on méconnaissait ses talents. Alors, rappelez-moi, quelle était exactement sa situation au KGB? Au département T, il était responsable des relations économiques et scientifiques avec l'Ouest. Un poste important, hein? Mais administratif. Et il s'ennuyait. D'autant qu'il avait souvent été envoyé à l'étranger et qu'en comparaison, la vie moscovite lui paraissait bien terne. Cependant, il y avait aussi autre chose. En France, Vetrov avait réussi un gros coup. Quoi? Il avait réussi à recruter un ingénieur confirmé chargé de contrôler la qualité des composants électroniques utilisés en particulier dans le domaine spatial. En raison de ses compétences, cet homme avait donc une vue d'ensemble sur la conception de nos fusées. Et Vetrov pensait que le fait d'avoir déniché une telle taupe aurait dû lui valoir la reconnaissance de ses chefs. Et une promotion. Sans doute. Mais il n'en avait rien été. Et il en éprouvait du dépit. Évidemment. Et d'ailleurs, quand il deviendra lui-même une taupe travaillant pour le contre-espionnage français, il n'aura rien de plus pressé que de livrer le nom de cet ingénieur. Ouais, c'est une sorte de cadeau d'entrée. Et la preuve de son sérieux. Alors la suite. C'est donc presque naturellement la DST qui va s'occuper de Farwell. En raison des premiers contacts qui ont été établis. Et aussi parce que Vetrov, qui est très méfiant, ne veut avoir de relation qu'avec des gens qu'il connaît. Ouais, pour la DST, c'est tout à fait inédit. En effet. En principe, la DST ne s'occupait pas de renseignements à l'étranger, mais travaillait essentiellement à traquer les espions qui opéraient chez nous. En l'occurrence, la DST n'a pas été mécontente de tailler des croupières au service rival qu'était le SDEC. Le SDEC qui va être tenu dans une complète ignorance de l'affaire Farwell. Hein. Toutefois, la DST va être confrontée à une difficulté majeure. Notre service de contre-espionnage ne dispose ni d'infrastructures, ni d'agents à Moscou. Et si les premiers contacts avec Vetrov vont être conduits par ce cadre de Thomson, il apparaît très vite qu'un véritable professionnel doit entrer dans la partie. Et ce sera l'attaché militaire à l'ambassade française de Moscou, qui parfois demandera à son épouse de le suppléer pour récupérer les documents de Farwell sans attirer l'attention des sbires du KGB. Et Vetrov va livrer une masse considérable d'informations à la DST. Hein. Oui, l'équivalent de 3 à 4 milliers de feuillets. Quant au contenu, il est proprement stupéfiant. Et ça s'explique par la situation privilégiée de Farewell au sein du KGB. C'est en effet par lui que passent toutes les demandes écrites du VPK, c'est-à-dire la Commission de l'industrie militaire, chargée de planifier et d'organiser systématiquement l'espionnage scientifique et technologique de l'Ouest. Mais ça ne s'arrête pas là, car il connaît aussi, sinon les noms, mais les postes qu'occupent les taupes qui alimentent le VPK. Et ça permettra aux services occidentaux de contre-espionnage de les identifier. Oui, sans trop de difficultés, oui. Mais il y aura des exceptions. Par exemple, une taupe qui opérait en France au CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, n'a jamais pu être démasquée, malgré tous les efforts des policiers de la DST. Ouais. Et pour Vetrov, finissons-en, là, ça va se terminer tragiquement. Hein. Oui, il faut d'abord dire que la taupe qui vivait dans un état de tension perpétuelle allait de plus en plus mal. D'autant que sa vie privée n'était pas des plus harmonieuses. Il avait une maîtresse, hein, elle aussi agent du KGB. Hein. Oui, avec laquelle il entretenait une liaison très tumultueuse. Et ça rejaillissait, bien sûr, sur sa vie conjugale. En outre, Vetrov buvait de plus en plus. Pour calmer ses angoisses. Vraisemblablement, car il savait qu'un jour ou l'autre, il finirait par tomber. Mais effectivement, il a fini par être arrêté. Hein. Oui, en février 1982. Mais c'est la milice soviétique qui l'a appréhendé, et pas le KGB. Ouais, parce qu'il n'a pas été arrêté pour espionnage. Mais pour une affaire de droit commun. Et à la suite d'un événement très curieux. Rappelez-vous, ce soir-là, se trouvant dans une auto en compagnie de sa maîtresse, le colonel Vetrov aurait été pris d'un accès de folie. Il aurait d'abord tenté de poignarder sa maîtresse. Puis un agent de la milice s'étant interposé, il a agressé ce policier. Et il l'a même tué. Ouais. Mais vous ne croyez pas à ce brusque coup de folie. En effet. Je pense plutôt que Vetrov, aux abois, imaginait un simulacre d'assassinat sur sa maîtresse, afin d'échapper aux limiers du KGB qui ne tarderaient plus à le démasquer. Ouais, coupable de voies de fait sur sa maîtresse, il comptait être jugé par une juridiction civile. Et il pensait écoper d'une peine relativement légère. Ouais, pendant son emprisonnement, il se serait fait oublier du KGB. Ça, c'est ce qu'il espérait, mais l'affaire a dérapé avec l'intervention de ce milicien. Résultat, Vetrov a été condamné à 12 ans de prison et envoyé en Sibérie. Si c'était pour se faire oublier, il avait gagné. Hein. Dans un sens, oui. Mais il ne pouvait pas prévoir les conséquences de sa disparition provisoire dans un camp de travail. En Occident, nul ne sait alors ce qu'il est devenu. Sans nouvelles de leur espion, les hommes de la DST imaginent qu'il a été découvert et capturé. L'exploitation des renseignements qu'il a fournis peut alors commencer. Parce que jusqu'alors, on s'était abstenu. Bien sûr, pour ne pas éveiller trop tôt les soupçons du KGB. Donc, l'exploitation commence. Des taupes soviétiques sont démasquées un peu partout dans le monde. En France, on va même encore plus loin. Le président Mitterrand frappe du poing sur la table et décide d'expulser 47 faux diplomates qui sont en réalité des espions. Le KGB a ainsi la confirmation de l'existence d'une taupe au sein de l'une de ses structures les plus secrètes. Et Vetrov finit par être démasqué. Peut-être à cause d'une maladresse commise par un haut fonctionnaire du Quai d'Orsay. Pour justifier l'expulsion de ces diplomates espions, il aurait mis sous le nez de l'ambassadeur l'un des papiers transmis par Vetrov, ce qui aurait mis le KGB sur la piste de Farewell. Quoi qu'il en soit, ce dernier est extrait de sa prison sibérienne et il avoue. Condamné à mort, il aurait été fusillé au début de l'année 1985. Ouais, fin de l'affaire Farewell. Mais seulement en apparence. Car en réalité, cette affaire a donné lieu à une activité sans précédent des services de renseignement occidentaux. Et il est temps de nous intéresser à ce curieux personnage qu'était Gus Weiss. Thank you. Pour le journaliste et écrivain Vincent Nouzille, l'affaire Farewell a eu des effets en cascade. Il l'explique dans le site d'information en ligne Rue 89. L'affaire Farewell a des retombées énormes. Le premier effet est un réchauffement des relations entre Paris et Washington en 1981, en transmettant à partir de la mi-81 les informations de Farewell aux Américains, les Français ont marqué des points. François Mitterrand et ses ministres communistes n'effrayaient plus l'ultra-conservateur Ronald Reagan. En second lieu, côté américain, les documents de Farewell ont été utilisés de manière très machiavélique. C'est ce que nous allons voir dans un instant avec M. X. Mais nous y poursuit. Le troisième effet Farewell fut le minage intérieur du KGB et du système soviétique. Selon l'ancien agent traitant de Farewell, cette affaire a eu un retentissement psychologique considérable sur les membres du KGB. Cela n'a bien sûr pas été un élément fondamental de la perestroïka, mais elle a révélé un malaise profond et les contradictions qui ont provoqué l'implosion du système. Quelques années plus tard, le mur de Berlin tombera. Pour le militaire français, cette histoire est finalement celle d'une opération de renseignement réussie. Alors, qui était Gus Weiss? Autant vous le dire tout de suite, on sait peu de choses sur la vie de cet homme qui finira par devenir conseiller à la sécurité nationale, c'est-à-dire l'un des hommes les plus proches du président états-unien. Malgré tout, tentons de retracer son parcours. Un détail d'abord. Très jeune, Weiss a été fasciné par l'aéronautique. Et il le restera toute sa vie puisqu'il sera récompensé par la médaille de la NASA. Un personnage brillant, donc. Hein. Et bardé de diplômes. À Harvard, où il s'intéresse aux implications stratégiques de l'innovation technologique, il fait aussi des études de commerce et devient un peu plus tard docteur en économie. Il rejoint ensuite l'Institut Hudson, où il rencontre l'un de ses futurs mentors, Richard Allen. Il collabore aussi avec le professeur Herman Kahn, le théoricien de la guerre thermonucléaire qui aurait inspiré à Stanley Kubrick son personnage de Dr. Fallamour. Le véritable modèle n'est donc pas Gus Weiss. Il gardera de cette proximité avec Kahn le sobriquet de Dr. Strange Weiss. L'étrange Dr. Weiss. Autant vous dire que ça ne le contrariait nullement car il avait un solide sens de l'humour et même de l'autodérision. J'ajoute que son physique contribuait aussi à en faire un personnage étrange. C'est-à-dire physique. Dans sa jeunesse, il avait été victime d'une maladie assez rare qui l'avait rendu entièrement glabre. Il était donc toujours affublé d'une perruque plus ou moins bien ajustée qui renforçait son image d'original et même de savant fou. Ouais. Mais sa carrière. Au début des années 70, il commence des recherches sur les fuites technologiques des entreprises et centres de recherche aux États-Unis. Fuite en direction de l'Est. Naturellement. Avant de se voir confier des missions officielles par l'administration américaine, Weiss noue donc des relations avec de nombreux dirigeants d'entreprises préoccupés par l'espionnage industriel et crée un groupe d'études sur ce sujet. Ça lui vaut d'être appelé par son ami Richard Allen à rejoindre le Conseil national de sécurité sous la présidence Nixon. Et d'ailleurs, le même Allen lui demandera d'y revenir lors de la présidence de Reagan. C'est donc rapidement une personnalité influente aux États-Unis. Oui, il sera le conseiller officiel de 4 présidents américains. Nixon, Ford, Carter, Reagan. À des postes différents, mais toujours très importants. Par exemple, l'adoption en mars 1974 d'un mémorandum qui fixe des règles plus strictes pour contrer l'espionnage industriel sur le territoire américain lui doit beaucoup. À noter que ce texte est le premier document qui dénonce et prévient le pillage technologique. Ainsi, la vente à l'Est d'ordinateurs puissants est désormais prohibée. Ouais, c'est donc d'abord un idéologue. Ah, pas seulement, parce que le personnage a plusieurs facettes. Dans les années 70, il a contribué à rapprocher la firme états-unienne General Electric et la française, SNECMA. Cette alliance donnera lieu à la création de l'entreprise CFM International, basée à Paris, qui va produire les moteurs d'avion CFM56. Ce seront les moteurs civils les plus vendus au monde et ils propulseront de nombreuses versions d'Airbus et de Boeing. Ah, c'est une réussite commerciale exceptionnelle. C'est une reconnaissance de la France pour Weiss qui recevra la Légion d'honneur. Toutefois, c'est avec l'affaire Farwell que Gus Weiss va donner toute la mesure de son talent. Ronald Reagan est élu en 1980, mais accède en réalité au pouvoir en janvier 81. Et vous vous souvenez de son slogan ? L'Amérique est de retour. Ouais, et d'emblée, l'ancien acteur veut montrer ses muscles. Et pour lui, la révélation par Mitterrand au sommet d'Ottawa de l'existence de la source Farwell en juillet 81 arrive à point nommé. Ouais, révélation qui s'accompagne de la livraison à la CIA des documents Farwell. C'est parfaitement exact. Et dès l'été 1981, Gus Weiss commence à éplucher ses documents. Dans quel état d'esprit se trouve-t-il alors ? Il jubile. C'est la confirmation triomphale de toutes ses analyses. Et surtout, il a le sentiment d'avoir un vrai trésor entre les mains. Déjà, il imagine les répliques. Un vaste plan qui pourrait, à terme, conduire à un étranglement de l'URSS. Ouais, précisé quand même. L'objectif, c'est de retourner le système d'espionnage soviétique contre lui-même. Reagan, qui s'est attribué la paternité de ce plan, mais en réalité, je crois que l'idée vient de Weiss, l'a appelé assez bizarrement la déception stratégique. Il s'agit d'intoxiquer les services de renseignement soviétiques par l'intermédiaire de ces taupes identifiées grâce à Farwell. Ouais, mais comment procéder exactement ? En fournissant à ces espions de fausses informations relatives à des projets technologiques dans les domaines les plus variés. Armement, énergie, industrie, transport, etc. Donc, assez paradoxalement, non seulement on ne va pas arrêter ces taupes ou les expulser, mais on a fait en France, hein, mais on va leur donner un coup de main. Et oui, et faciliter leur tâche pour mieux les fourvoyer et les intoxiquer. Et si à court terme, les autorités américaines vont renforcer drastiquement la protection de leurs technologies les plus sensibles, à plus long terme, elles vont tout faire pour que la direction T du KGB continue à croire que ces espions sont toujours opérationnels. Il s'agit donc d'une exploitation offensive des révélations de Farwell. L'objectif étant de ruiner les investissements d'une économie soviétique déjà proche du vacillement au début des années 1980. Et vous allez le constater, dans un instant, les conséquences seront parfois spectaculaires. Tout cela a été formulé dans une directive du Conseil national de sécurité adoptée en janvier 1983. Elle va servir de feuille de route à la stratégie d'étranglement économique de l'URSS, dont Reagan lui-même a lancé le principe dès son arrivée à la Maison-Blanche. Il s'agit donc d'un durcissement de la politique de Washington vis-à-vis de Moscou. Hein. Incontestablement. Cette directive insiste sur la nécessité de combattre l'expansionnisme soviétique partout dans le monde, en renforçant les capacités militaires américaines et en restreignant les transferts de technologies vers l'URSS qui peuvent renforcer, directement ou indirectement, le pouvoir militaire soviétique. Mais d'accord, mais concrètement, comment ça se traduit tout ça ? Il y a donc ces mesures actives pour reprendre une expression des services secrets soviétiques qui vont découler directement de l'exploitation des documents Farwell. Mais un petit peu de patience. Les autres décisions sont plus classiques mais redoutablement efficaces. À côté de l'accroissement des moyens militaires états-uniens et la relance brutale de la course aux armements. Pour forcer Moscou à suivre. Et à se ruiner un peu plus, oui. Le bouquet étant l'IDS, le lancement de la guerre des étoiles. Un formidable bluff. Hein. Oui, mais un bluff qui va se révéler particulièrement coûteux pour l'URSS. Mais à côté, vous disais-je, on trouve aussi une augmentation significative de la production pétrolière, en coordination avec les pays du Golfe, afin de provoquer une baisse des cours du baril et donc de réduire les ressources en devises de l'URSS. Et enfin, l'adoption d'une politique monétaire très restrictive de la Banque fédérale qui fera chuter le cours de l'or, autre ressource soviétique. Toutefois, cette politique est très risquée. Et pour quelle raison ? Parce qu'au début de ces années 80, la tension Est-Ouest ne cesse de croître. À Moscou, on se dit persuadé que tôt ou tard, les Américains attaqueront. Oui, on croit à l'inéluctabilité de la guerre nucléaire. Oui, et par conséquent, on se prépare à la contre-attaque. C'est la mise en place de l'opération Ryan, décidée par Yuri Andropov. Toutes les résidences du KGB à l'étranger doivent guetter les signes indiquant une mobilisation occidentale. Et on est alors passé très près de la conflagration mondiale. Mais je n'insiste pas, car c'est un sujet que j'ai abordé autrefois avec vous. Aussi, je vous propose de rejoindre le diabolique Dr. Weiss et de vous relater l'une de ses plus machiavéliques manipulations. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Moscou a eu effectivement peur en ce début des années 80. Je vous propose de retrouver Vincent Nouzille, auteur d'un livre passionnant dans Le secret des présidents. Extrait. Les dirigeants soviétiques vieillissants ont vu dans l'élection de Ronald Reagan à la Maison-Blanche un véritable séisme. Dès janvier 1981, le président américain a conforté publiquement leurs appréhensions en déclarant tout de go que les Russes mentiront, tricheront et nous voleront tout ce qu'ils peuvent pour arriver à leur fin. Après des années de détente, Washington a durci le ton à l'égard de Moscou. En mai 1981, Léonid Brejnev a prononcé devant les cadres du KGB un discours dénonçant la politique de Reagan comme une menace sérieuse. Durant l'automne, Yuri Andropov, patron du KGB, lance une opération prioritaire de renseignement baptisée Ryan afin de tout savoir sur une future attaque nucléaire américaine contre l'URSS jugée imminente. Les officiers du KGB stationnés partout dans le monde doivent alimenter, dans le sens souhaité, cette paranoïa galopante. Vous avez dit que dès la réception des documents Farwell et leur première analyse, les Américains ont décidé d'utiliser systématiquement les renseignements fournis par Farwell pour miner l'Empire soviétique. Et c'est Gus Weiss qui est à la manœuvre. Hein. Oh, pas seulement lui, mais c'est le cerveau de l'opération. Une opération qui a mobilisé la CIA, le Pentagone, le FBI et la Maison-Blanche et qui a été approuvée par Ronald Reagan en janvier 82. Alors, au risque de me répéter, je vous confirme qu'il s'agit de refiler aux soviétiques de la mauvaise technologie, de la mauvaise informatique, de mauvaise technologie de forage pétrolier. En leur donnant l'impression qu'ils dérobent de véritables perles. Bien entendu, c'est là le grand jeu. Et la Dupri a réussi au-delà de toute espérance. Quelques exemples. De faux plans d'une navette spatiale de la NASA sont discrètement rendus disponibles pour des agences soviétiques. Quant au Pentagone, il laisse filtrer des informations trompeuses sur ses programmes d'avions ou de défense spatiale. Autre manœuvre, des industriels américains se font voler des puces électroniques, mais pas n'importe lesquelles. Que voulez-vous dire ? Ces puces sont défectueuses et doivent donc endommager les matériels où elles sont installées, dans des usines chimiques et une unité de construction de tracteurs. Mais Weiss a encore fait plus fort. Par l'intermédiaire d'une société canadienne, les Américains ont fait en sorte que des agents soviétiques dérobent un logiciel de gestion de turbines, des oléoducs et gazoducs. Et là encore, il y a un piège ? Ah, forcément, mais un piège très sophistiqué. Le logiciel volé doit fonctionner à la perfection pendant quelques mois. Cependant, on y a dissimulé ce que l'on appelle un cheval de Troie, c'est-à-dire un virus qui est prévu pour se réveiller ou être activé au moment prévu. Ses concepteurs. Naturellement, il doit déclencher de graves dysfonctionnements et même un vrai accident industriel. Les résultats, alors ? En 1982, les Soviétiques travaillent à la construction d'un pipeline destiné à approvisionner l'Europe de l'Ouest en gaz sibérien. Un projet qui a d'ailleurs provoqué la colère de Washington. Ah bon, pourquoi ? Parce que sa conception faisait appel à la technologie européenne. Et ça allait contre la volonté états-unienne de conduire une véritable guerre économique contre l'URSS. Ce sujet avait même écorné la lune de miel entamée entre Mitterrand et Reagan, après la révélation de l'affaire Farwell. Mais le président français avait tenu bon. Seule concession française, alors que les soviétiques voulaient que Thompson construise une usine de composants électroniques en URSS, Mitterrand a préféré que la firme française leur vende des composants. Sans transfert de technologie, non ? C'est ça. Mais sur le contrat gazier, le président français n'avait pas cédé. Or, et les Américains devaient rire dans leur barbe. C'est justement dans le système régulant les turbines et les valves de ce pipeline contesté que le logiciel truqué a été installé. Ils vont donc réussir là où la négociation avec les Européens et les Français a échoué. Exactement. En juin 1982, une gigantesque explosion a endommagé les installations du pipeline sibérien. La déflagration a été si puissante que les experts militaires, à commencer par ceux de l'OTAN, ont d'abord cru qu'il s'agissait de l'explosion d'un missile nucléaire. Et après analyse, ils ont conclu que c'était la plus grosse explosion non nucléaire de tous les temps. Elle équivalait en puissance à près de un quart de celle de la bombe d'Hiroshima. Inutile de vous dire qu'à la Maison-Blanche, un certain Gus Weiss a esquissé un sourire en apprenant ce qui était pour lui une excellente nouvelle. Oui. Est-ce qu'il y a eu des morts ? Une dizaine, malheureusement, d'après les rares informations communiquées par Moscou. Mais vous pensez bien que les Soviétiques n'ont pas donné une grande publicité à l'événement. Et quelles ont été les conséquences de ce sabotage réussi ? La mise en service du pipeline a été retardée d'un an. Et j'imagine que les Américains n'ont jamais révélé quel avait été leur rôle. Bien évidemment. Ouais. Donc finalement, silence des deux côtés. Il n'empêche que pour les Soviétiques, ça a été un vrai coup dur. Et pour au moins deux raisons. En premier lieu, cette explosion destructrice a perturbé les exportations d'hydrocarbures et la rentrée cruciale de devises étrangères. Mais de façon plus perverse, elle a instillé dans leur esprit le doute dans la fiabilité des technologies dérobées à l'Ouest. Or, les activités du complexe militaro-industriel soviétique reposaient en grande partie sur ces technologies. D'où une perte de confiance dans l'espionnage technique et scientifique au moment où l'Union soviétique allait en avoir le plus grand besoin. À cause du projet de guerre des étoiles lancé par Reagan. Hein. Bien entendu. Au reste, les diaboliques manigances de Gus Weiss sont allées bien au-delà. Et dans l'opération de mystification dont je vais vous parler, les Français ont joué leur partie. Ah, qui alors ? Un général français, Jean Guyot, qui était aussi physicien. À l'époque, cet ancien de la délégation générale de l'armement est conseiller scientifique et militaire auprès du directeur de la DST. Je peux même vous dire qu'on le surnommait la baleine. Bon. Et cette mystification, en quoi a-t-elle consisté ? Je vous explique. En cette première moitié des années 80, c'est-à-dire au moment où le président Reagan lançait la guerre des étoiles, les scientifiques du monde entier s'accordaient à dire que le laser ferait partie des armes de nouvelle génération. Ouais, on imaginait déjà détruire les fusées ou les satellites ennemis avec de formidables canons laser. Oui. Or, des chercheurs soviétiques ont alors bénéficié de fuites leur indiquant que des laboratoires occidentaux étudiaient les propriétés étonnantes d'un isotope de l'osmium. L'osmium ? C'est un métal blanc assez proche du platine. Son isotope, 187, en ferait un candidat possible pour une arme utilisant l'effet laser en produisant un rayonnement gamma. Mmh. Et vous avez parlé de fuites, hein ? Oui, des fuites qui, vous l'imaginez bien, n'étaient pas tout à fait innocentes. Elles étaient téléguidées directement par les services secrets occidentaux. Et elles se sont répandues d'autant plus facilement en direction de l'Est qu'un nouveau moyen de communication venait de voir le jour. Et quoi ? L'Internet, tout simplement, qui avait été inventé par les scientifiques de l'armée états-unienne et était encore exclusivement réservé à ces derniers. Mmh. Mais les chercheurs soviétiques ont pu y avoir accès, alors ? Frauduleusement, bien sûr. Mais s'ils ne l'avaient pas fait, on se serait débrouillé pour qu'ils y arrivent. La rumeur des prometteuses propriétés de l'osmium 187 est donc parvenue au-delà du rideau de fer. Et pour rendre l'affaire encore plus crédible, des revues scientifiques comme Nature ont publié des articles signés par des physiciens renommés sur le nombre et la variété des niveaux d'énergie de l'osmium 187. Un mensonge donc ? Mais les scientifiques soviétiques ont marché, si j'ose dire. En toute urgence, ils ont obtenu d'importants crédits. D'abord pour se procurer d'importantes quantités d'osmium, et ensuite pour obtenir la séparation isotopique. Et produire de l'osmium 187. La mystification a donc fonctionné. Mais tant que la guerre froide a duré, les services occidentaux n'ont pu en mesurer la véritable dimension, car le KGB veillait et imposait un secret absolu. Toutefois, après l'implosion de l'Empire soviétique, ces services ont réalisé que l'intoxication avait formidablement marché. Et comment ? Oh, d'une façon très simple. Dans la pagaille qui a suivi, les laboratoires de l'Est ont été privés de financement. Et pour se procurer les roubles que Moscou ne leur envoyait plus, Ils ont proposé aux Occidentaux de leur vendre de grandes quantités d'osmium 187. Qu'on ne leur a pas acheté, bien sûr. Oui, puisqu'on savait que cet isotope ne servait à rien. Et vous m'avez dit que les Français ont été impliqués dans cette mystification. Hein. Oui, car en matière de laser, nous étions des précurseurs. Donc les chercheurs français étaient les plus crédibles. Et s'ils prétendaient que les propriétés de l'osmium 187 étaient réelles, bah, ils seraient forcément écoutés. Ouais, ce qui était le cas. Un mot avant de terminer, qu'est devenu Gus Weiss? Je vous l'ai dit d'emblée, cet homme machiavélique s'est bien gardé de se mettre en avant. Toutefois, il a été régulièrement invité à faire des conférences à l'université George Washington, conférences dans lesquelles il parlait de son expérience au sein de l'administration gouvernementale. Oui, mais il ne disait peut-être pas tout. C'est certain. Et puis il y a sa mort, qui n'est pas moins mystérieuse que ses anciennes activités. Il est décédé en novembre 2003 à l'âge de 72 ans. Il a été retrouvé mort au pied de son appartement situé dans l'immeuble est de la résidence de Watergate. Et le médecin légiste de Washington a conclu un suicide. Mais les rares personnes qui le connaissaient n'ont pas cru à cette version. C'est ce qu'a affirmé en particulier son vieil ami Richard Allen quand il a été interrogé assez récemment. Allen a résumé son sentiment en une phrase lapidaire. Weiss était un héros américain. Mais pourquoi ces doutes alors? Sa mort est intervenue quelques mois après le déclenchement de la guerre d'Irak, à laquelle il était fermement opposé. Ouais, et il l'a fait savoir? Vigoureusement. De là à penser qu'on l'avait peut-être poussé dans le vide, enfin je n'en sais pas plus. Quelques livres pour terminer l'affaire Farewell vue de l'intérieur, un livre très récent de Raymond Nart et Jackie Demain, deux anciens de la DST. Adieu Farewell de Sergueï Kostine et Éric Reynaud, dont le secret des présidents CIA, Maison Blanche, Élysée, les dossiers confidentiels 1980-2010 de Vincent Nouzi. Et enfin, l'espion des sciences, les arcanes et les arnaques scientifiques du contre-espionnage du général Jean Guyot. À samedi prochain sur franceinter.fr, vous pourrez communiquer avec nous. Et ce programme a été préparé par Adrien Cara et Rebecca de Nantes et réalisé, comme d'habitude, par Michel Biou et mis en musique par Monsieur Djoub. Et tout de suite après le flash, CO2, Mon amour de Denis Chessou.